nécessaire, caché, douloureuse, subi, sale, le champ lexical des règles n'a rien de l'éclat du sang. Jamais associé à la force, à la vitalité, au choix, à la volonté. Intimes, elles ont pourtant des racines sociales, des effets médicaux et des résonances politiques. Mais comment choisir, voire revendiquer, ce qui semble être une fatalité ? Est-il même possible de s'en réjouir chaque mois ? Et en faire un sujet, est-ce forcément bien en parler ? C'est un problème de masse que personne n'évoque. C'est une souffrance majeure que personne n'entend. Et pourtant, elle touche une femme sur dix. Une femme sur dix est atteinte dans sa chair, dans son quotidien, dans sa féminité, dans son désir de maternité, par l'endométriose. Cette maladie invalidante, douloureuse, première cause d'infertilité féminine. Pour des millions de femmes, tout ce qui fait leur vie, études, travail, sport, vie intime, désir d'enfant et de grossesse, tout est empêché ou rendu plus difficile par cette maladie. Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Mais effectivement, c'est plus un problème de femmes. Ah, plutôt... c'est un problème. Non, alors donc c'est bien que tu restes. Non, Victor, les règles, ce n'est pas un problème. Oui, d'accord. C'est pas donc, ce que je voulais dire. C'est une expression, donc, d'accord. Les serviettes hygiéniques. Bon, en dehors du fait que c'est une catastrophe écologique, je pense qu'on est au même niveau d'irresponsabilité que quand on utilise des lingettes, par exemple. Comme des grosses lingettes pour la chatte. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça pollue complètement. Mais je pense qu'en dehors de ça, c'est aussi une façon très babylonienne, encore une fois, de nous inférioriser en tant que femmes, en nous mettant des couches comme à des enfants. Et ça, c'est inacceptable. On est d'accord avec ça ? Bonjour Camille Froidot-Maitry. Bonjour. Vous êtes philosophe, féministe, professeur de sciences politiques et chargée de mission égalité-diversité à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Récemment, en septembre dernier, est paru votre livre « Un corps à soi » aux éditions du Seuil, dans lequel vous consacrez tout un chapitre aux règles. Est-ce que vous vous réjouissez de la place accordée aux règles, à la fois dans les productions culturelles, comme on vient de l'entendre dans le film « Problemos » d'Éric Judor, mais aussi dans des discours politiques, comme on l'a entendu il y a deux jours, dans la bouche d'Emmanuel Macron ? Oui, ce serait vraiment, être un peu paradoxal que de pas se réjouir de cette publicisation de cette thématique des règles. Mais il faut aussi rappeler que cela fait maintenant presque une bonne dizaine d'années que les féministes se sont saisies de ce sujet et qu'il est devenu public, qu'il est devenu politique. Et c'est même un sujet qui est crucial selon moi parce qu'il a ouvert cette séquence féministe dans laquelle nous sommes entrés au début des années 2010, que j'ai qualifiée de bataille de l'intime et qui est selon moi un moment, je pense, historiquement aussi important que celui des années 70, puisqu'il s'agit de relancer les thématiques corporelles qui avaient été déjà investies par la deuxième vague, mais d'approfondir cette exploration féministe du corps des femmes, en allant jusque dans l'intime, comme c'est le cas avec le sujet des règles, qui sont à la fois la manifestation physiologique, disons, par excellence du corps féminin, mais qui sont aussi, d'une certaine façon, l'indicateur aussi de la condition qui est faite aux femmes depuis à peu près toujours, à savoir une condition de minoration et de subordination, parce que l'existence des femmes est définie depuis l'Antiquité grecque au seul prisme corporel des fonctions sexuelles et maternelles. Donc ce qu'on a entendu d'un côté, discours humoristique qui justement tourne en dérision en fait ce sujet des règles, mais aussi intervention politique, où là en fait le sujet de l'endométriose est pris très au sérieux, entre prise au sérieux et tourné en dérision, finalement c'est presque de manière dépassée de prendre au sujet le sérieux. Alors on peut considérer que c'est des façons d'en parler, d'une façon générale, qui vont contribuer à rendre légitime la discussion sur ces sujets intimes. Mais ce qu'il faut essayer d'ajouter à ces discours qui sont peut-être un peu trop de surface, c'est la nature et le sens que revêt la fluidité menstruelle des femmes d'un point de vue existentiel comme d'un point de vue politique. Et je pense que c'est sur ce chemin qu'on va avancer aujourd'hui. Exactement. Je vous propose, on vient d'entendre Emmanuel Macron et puis Blanche Gardin dans Problemos, mais je vous propose d'écouter maintenant la voix de Françoise Héritier. C'est dans une archive de 2007 où elle parle de l'apparition des règles. Au départ, qu'est-ce qui se passe ? Bien, il se passe qu'un événement se produit dans le corps, disons, des représentants d'une partie de l'humanité, à partir d'un certain âge, qui n'est pas fixe, que cet événement s'arrête aussi à partir d'un certain âge, que ça ne se produit pas dans l'autre partie de l'humanité, et que cet événement est indépendant de leur volonté. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous souhaitez ou que vous ne souhaitez pas, les règles arrivent. Donc, d'une certaine façon, se construit là un modèle très particulier qui est l'idée que les femmes subissent quelque chose, alors que s'il y a des écoulements du sang chez les hommes, ces écoulements, eux, sont voulus. Je ne veux pas dire que tous les hommes perdent du sang en le voulant, ils peuvent être victimes, mais aussi dans la guerre, dans les échanges, à la chasse ou dans différentes activités, mais ils entrent dans des activités qui ont pour corollaire que le sang peut couler. Bref, cette opposition entre passivité et activité, si je puis dire, le fait que les femmes subissent et que les hommes le veulent, fait partie de ces oppositions binaires qui vont servir à caractériser les deux sexes. Donc, cet événement subi introduit l'idée d'une, si je puis dire, d'une infériorité. C'était donc la voix de l'anthropologue Françoise Héritier dans Surpris par la nuit sur France Culture le 26 avril 2005. Il faut absolument revenir, Camille Froidevaumétrie, pour comprendre la spécificité des règles, produire un discours plus poussé sur les menstruations. Il faut vraiment prendre au sérieux ce que dit Françoise Héritier, à savoir, quoi que vous fassiez, les règles arrivent. Effectivement, les règles sont un événement subi par les femmes. Oui, ce qu'elle montre, c'est qu'elles relèvent de l'incontrôlable. C'est-à-dire que c'est un événement qui s'impose aux femmes, comme d'autres d'ailleurs, comme par exemple le surgissement du lait suite à un accouchement. Et elle oppose cette dimension incontrôlable, qui est évidemment, on le comprend tout de suite, connotée de façon négative, à l'émission volontaire. Alors du sang, elle évoque le sang des hommes perdu soit à la chasse, soit à la guerre, mais on peut y ajouter aussi le fluide séminal que les hommes décident sciemment de laisser sortir de leur sexe, en l'occurrence par la masturbation ou la relation sexuelle. Et il y a quelque chose qui se noue là, effectivement, qui est une forme de justification de la hiérarchie sexuée des ordres de l'existence, puisque les femmes se retrouvent une fois encore du côté de la passivité, du côté de l'instable, du côté du sale aussi, alors que les hommes, eux, bénéficient, disons, des qualités et des vertus associées au permanent, à l'activité, au dominant. Mais qu'est-ce qui fait peur, alors, dans cette perte de sang incontrôlable, Camille Froidevaumétrie ? Est-ce que c'est vraiment le sang, c'est-à-dire la vision du sang, ou est-ce que c'est le fait que ce soit l'involontaire ? Qu'est-ce qui choque le plus ? Alors, je vais me référer à une autre anthropologue, qui est Marie Douglas, qui essaye d'expliquer pourquoi nous avons ce rejet, voire même cette peur, et notamment les hommes, vis-à-vis des fluides que sécrètent les femmes. Elle montre qu'il y a quelque chose dans ce caractère incontrôlable, irrationnel, excessif, qui vient bousculer l'ordre solide et masculin des choses. Le sang menstruel transgresse en quelque sorte les frontières du corps. Il révèle la perméabilité de nos corps, de tous les corps, d'une certaine façon. Il fait signe du côté de la souillure, de l'abjection, et surtout il vient ébranler, même rompre la stabilité du monde en introduisant dans le monde, dans le quotidien, l'outrage de ce qui est sale, de ce qui est dérangeant, de ce qui est impropre aussi. Et on peut observer que dans nos sociétés contemporaines, toujours, nous vivons en fonction de normes qui sont des normes corporelles qui sont en fait évaluées à l'aune d'un idéal corporel qui est masculin, je dirais même qu'il est viril. C'est un corps, le corps idéal, c'est un corps qui est puissant, c'est un corps qui est constant. Mais presque un corps désincarné en fait, paradoxalement. Oui, d'une certaine façon, puisque c'est un corps qui ne varie pas, qui ne change pas, qui ne surprend pas. Alors que le corps des femmes, est au contraire variable, fluide, qu'il est d'une certaine façon aussi peut-être informe, et c'est ce caractère informe qui fait peur et qui dérange. Il y a une formule de la philosophe américaine Iris Marion Young, dont on parlera sans doute encore un peu aujourd'hui, que j'aime bien, qui dit « la femme menstruée est queer ». Et cet adjectif queer qu'elle emploie, c'est pour dire qu'en fait, la femme menstruée vient bousculer et déranger l'ordre du monde. Alors, cette l'arrivée des règles, l'événement des règles dont parle Françoise Héritier, on a bien vu que c'était ce qui pouvait déclencher cette mise à l'écart de la femme. Elle parle d'infériorité, d'infériorisation de la femme. Est-ce que on peut aussi se poser la question inverse, à savoir, est-ce que c'est pas les règles qui sont venues justifier après coup cette mise à l'écart ? En fait, quelle est l'importance des règles dans cette mise à l'écart des femmes ? Est-ce l'événement premier ou est-ce une justification après coup ? Oui, disons que les règles ont participé de l'arsenal des arguments qui ont permis de justifier siècle après siècle que les femmes soient cantonnées dans leurs deux fonctions sexuelles et maternelles, parce que si l'on remonte à l'origine de cet enfermement, à savoir la caractérisation par Aristote de l'existence des femmes dans leur essentielle infériorité au nom de leur capacité non pas tant procréatrice que nourricière, hein, parce que Aristote considérait que les femmes ne faisaient que recevoir en elles l'homoncule, le petit homme minuscule que les hommes déposaient par leur semence et qu'elles ensuite le nourrissaient dans leur corps, puis au moment où les enfants naissaient et dans les mois qui suivent. Et à l'époque, il n'y avait pas de connaissances précises sur le rôle du sang menstruel, qui était considéré simplement comme une sorte de perte qui rangeait les femmes du côté du froid et du côté aussi de l'inférieur. Il y avait quelque chose aussi une idée que par le sang, les femmes évacuaient une certaine toxicité, ce que l'on retrouve dans la caractérisation très négative des femmes ménopausées, puisque la toxicité ne s'échappant plus de leur corps par le sang menstruel, elles la gardent en elles et elles deviennent ces sorcières dangereuses. Ce qui d'ailleurs continue à perdurer d'une certaine manière comme représentation. Et là, j'insiste sur le terme de représentation parce que, chez Aristote, ces textes avaient valeur de savoir scientifique. Désormais, ces textes-là, on le sait, n'ont plus cette valeur-là. Donc, c'est bien un problème de représentation plus que de connaissances désormais. Oui, absolument. Absolument. Et la meilleure preuve en est que dans nos sociétés où nous sommes absolument informés des processus physiologiques qui sont associés aux règles, nous continuons notamment de les ranger du côté de la souillure, du côté de la saleté, du côté de l'indignité, du côté de la honte. Et c'est peut-être ce mot de honte qui a survécu à toutes les avancées d'une certaine façon de la modernité et qui reste associé au sang menstruel. De même que le pénis tire du contexte social sa valeur privilégiée, de même c'est le contexte social qui fait de la menstruation une malédiction. L'un symbolise la virilité, l'autre la féminité. C'est parce que la féminité signifie altérité et infériorité que sa révélation est accueillie avec scandale. La vie de la fillette lui est toujours apparue comme déterminée par cette impalpable essence à laquelle l'absence de pénis ne réussissait pas à donner une figure positive. C'est elle. D'accord. Alors, on était en train d'écouter donc le texte de Simone de Beauvoir issu du deuxième sexe sur la menstruation vécue comme une malédiction. Nous avons eu un problème d'ordinateur, donc le texte est arrêté en plein milieu. C'est pas grave, Camille Fandométrie, on va l'écouter en entier tout à l'heure. Mais ça nous permet quand même de faire parfaitement le lien, cette transition que vous avez initiée autour justement de la menstruation et de la honte que ça provoque. Oui, on trouve dans le deuxième sexe des passages qui sont très très forts, très incarnés sous la plume de Beauvoir sur cette question des premières règles, qu'elle pense comme étant un moment fatal pour les filles, c'est-à-dire le moment de leur entrée dans la destinée féminine. Et elle a des mots très forts qui expriment ce qu'elle appelle le dégoût du corps trop charnel, où elle raconte comment les filles, découvrant leur sang, leur premier sang menstruel, ressentent ce dégoût, je la cite, devant cette odeur fade et croupie qui monte d'elle-même, une odeur de marécage, de violette fanée. Devant se sent moins rouge, plus suspect que celui qui s'échappait des blessures enfantines. C'est vrai qu'elle en parle très bien. Paradoxalement, elle a presque des mots magnifiques pour décrire ce dégoût que procurent les règles. Oui, alors ça c'est un des grands talents de Beauvoir et un des grands plaisirs de lecture. Derrière ces mots, il y a aussi, on ressent de façon presque charnelle, c'est le cas de le dire, on ressent ce que Beauvoir associe à ces règles, parce que on sait que pour Beauvoir, la grande malédiction féminine, c'est que les femmes étant comme les hommes des sujets, et notamment des sujets libres de se projeter dans le monde, elles se trouvent immédiatement privées de cette destinée de liberté par le surgissement de leur destin de future mère que signifient les règles. Et donc, dans la pensée beauvoirienne, il y a cette idée que si les filles éprouvent de la honte à être menstruées, c'est parce que elles ont une sorte de préscience de leur futur statut féminin, statut maternel notamment, et c'est comme si elles devinaient, dit-elle, qu'elles allaient devenir des êtres mineurs et subordonnés, et donc les règles viennent leur signifier, le grand désespoir qui sera celui de leur existence vouée à n'être que des épouses et des mères. Alors, je crois qu'on peut écouter, entendre le texte de Simone de Beauvoir, donc dans Le deuxième sexe de 1949, interprété ici par Frédéric Pierrot. De même que le pénis tire du contexte social sa valeur privilégiée, de même c'est le contexte social qui fait de la menstruation une malédiction. L'un symbolise la virilité, l'autre la féminité. C'est parce que la féminité signifie altérité et infériorité que sa révélation est accueillie avec scandale. La vie de la fillette lui est toujours apparue comme déterminée par cette impalpable essence à laquelle l'absence de pénis ne réussissait pas à donner une figure positive. C'est elle qui se découvre dans le flux rouge qui s'échappe d'entre ses cuisses. Si déjà elle a assumé sa condition, c'est avec joie qu'elle accueille l'événement. À présent, tu es une dame. Si elle l'a toujours refusé, le verdict sanglant la foudroie. Le plus souvent, elle hésitait. La souillure menstruelle l'incline vers le dégoût et la peur. Voilà donc ce que signifient ces mots. Être une femme. La fatalité qui jusqu'ici pesait sur elle confusément et du dehors, elle est tapie dans son ventre. Il n'y a aucun moyen d'échapper, elle se sent traquée. Dans une société sexuellement égalitaire, elle n'envisagerait la menstruation que comme sa manière singulière d'accéder à sa vie d'adulte. Le corps humain connaît chez les hommes et les femmes bien d'autres servitudes plus répugnantes. Il s'en accommode facilement parce qu'étant commune à tous, elle ne représente pour personne une tare. Les règles inspirent à l'adolescente de l'horreur parce qu'elles la précipitent dans une catégorie inférieure et mutilée. Ce sentiment de déchéance pèsera lourdement sur elle. Elle garderait l'orgueil de son corps saignant si elle ne perdait pas sa fierté d'être humain. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoy. Ce qui est frappant dans ce texte, Camille Froide-Vaumétry, donc ce texte de Simone de Beauvoir, donc je rappelle que c'est dans Le deuxième sexe, c'est le volume 2, L'expérience vécue, ce moment où la jeune fille découvre qu'elle a ses règles, on voit bien que les choses se passent d'une certaine manière, à savoir dans le dégoût, la peur, une sorte d'inquiétude, d'horreur qui en fait pourrait se passer tout autrement. Ce qui, on retrouve là en fait le problème de la représentation, elle parle bien de contexte social, mais aussi du fait que les règles pourraient très bien être accueillies comme une forme d'événement joyeux. Ce qui, effectivement, n'est jamais envisagé sous cet angle-là, à n'importe quel moment de sa vie, dès lors qu'on a ses règles. Oui, en effet, et c'est vraiment intéressant d'observer à quel point, encore une fois, elle a une forme de préscience de ce qu'il va se passer, parce que dans la séquence que nous vivons aujourd'hui de réinvestissement par les femmes de cette question menstruelle, il y a précisément cette aspiration à pouvoir vivre enfin les règles sous le signe, disons, au moins de la sérénité, si ce n'est de la joie d'une certaine façon, parce que, comme le dit très bien Beauvoir, finalement, c'est une manifestation physiologique comme une autre, et qu'il y en a bien d'autres de plus dégoûtantes le tente encore, mais il y a cette association définitive dont nous essayons aujourd'hui de nous affranchir entre cet événement mensuel et la honte. C'est comme si, d'une certaine façon, les mécanismes patriarcaux avaient réussi à produire et à s'assurer, d'une certaine façon, de la répétition ad vitam de cette... Mensuelle. Mensuelle, mais aussi perpétuelle, puisque toutes les femmes, ou en tout cas une majorité d'entre elles, ont leurs règles. Eh bien, c'est comme si le patriarcat avait trouvé là le moyen de rappeler de façon régulière les femmes à leur infériorité. Ce qui est intéressant quand même avec l'événement des règles, c'est que quand on a ces règles, personne a priori ne le sait. C'est-à-dire que la date n'est jamais connue des autres, et pourtant, on voit bien qu'on vit non seulement une honte qui est intériorisée, c'est-à-dire il n'y a pas de public quand on a ces règles pour la première fois, et pourtant, on a un sentiment de honte alors que personne ne peut le constater, hormis nous-mêmes et peut-être notre mère ou la personne la plus proche à qui nous pouvons en parler. Mais l'autre point important, c'est que ce sentiment de honte qu'on a intériorisé nous fait éprouver du dégoût face à un événement qui pourtant nous fait entrer quand même dans un stade extrêmement intéressant de la vie adulte, c'est-à-dire que nous fait aller, nous fait grandir, nous fait nous développer. Donc non seulement il y a un paradoxe de cette honte intériorisée qui nous découvre au public, mais qui nous découvre au public qui est absent et qui surtout en fait devrait être valorisant. Oui, alors vous évoquiez les mères dans le livre Un corps à soi et le chapitre consacré au sang. Je relate l'expérience vécue par Annie Ernaux de ses premières règles qu'elle subit d'une certaine façon dans la honte et la dissimulation, et avec beaucoup de gêne à devoir aller parler à sa mère de cela. J'ai vécu la même chose et j'ai rencontré des jeunes femmes qui me racontent vivre également la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une espèce de fatalité de la honte. Et pourquoi c'est si important à déconstruire, et pourquoi c'est si important, du même coup, de publiciser et de rendre légitime le sujet des règles dans l'espace public, c'est parce que la honte, comme le précise la philosophe américaine Sandra Lee Bartke, se définit comme une impression permanente d'inadéquation. C'est-à-dire l'idée que le sujet se sent toujours inférieur, imparfait ou diminué. Et donc se débarrasser de la honte associée aux règles, réhabiliter la dimension positive de cet événement féminin, c'est aussi se débarrasser de siècles d'assignation à cette soi-disant inadéquation et à cette soi-disant infériorité des femmes. Alors une question sur cette idée justement de valoriser cet événement qui nous fait entrer en fait dans un nouvel âge, hein, qui fait que notre corps va être un corps qu'on pourrait prétendre pouvoir s'approprier, qu'on grandit, on n'a plus un corps d'enfant, on se dit qu'on va aller vers un autre âge de la vie. Sur cette idée quand même de s'approprier, est-ce que cette appropriation doit forcément aller de pair avec une forme de discours, de publicisation, de joie? Parce qu'il faut quand même le dire, avoir ses règles tous les mois, c'est extrêmement pénible. C'est vraiment un moment qui peut être de douleur, un moment auquel on peut être indifférent, ou alors quand il se rappelle à nous-mêmes nous agace, nous encombre. Est-ce que c'est pas un petit peu naïf de vouloir en faire un moment de joie alors que c'est juste presque un passage obligé? Alors sur ce sujet menstruel, comme sur tous les sujets corporels, je crois que ce qu'il faut tenir, et notamment dans une perspective féministe, c'est la possibilité du libre choix, quelles que soient les options choisies. Nous avons la chance, nous, femmes occidentales, de pouvoir faire à peu près tous les choix pour ce qui concerne nos corps. Et pour ce qui concerne les règles notamment, nous avons par exemple la possibilité de s'en débarrasser en prenant une pilule spécifique qui va faire disparaître Mais qui n'est d'ailleurs pas tant valorisée que ça et tant connue que ça. Oui, c'est vrai. Mais voilà, elle existe, c'est l'occasion de le dire. Et puis, à l'autre bout de cet éventail des possibles menstruels, on peut trouver par exemple la volonté de certaines jeunes femmes aujourd'hui de retrouver le chemin, le contact avec leur corps menstrué. Les jeunes femmes qui choisissent par exemple de porter des coupes menstruelles choisissent une relation à ce sang très directe, où elles le voient, elles le touchent, où il est présent à nouveau dans leur vie d'une certaine façon, parce que les protections hygiéniques de type serviette ou tampon avaient d'une certaine façon la vertu, ou en tout cas l'effet immédiat, disons, en absorbant le sang, de le faire d'une certaine façon un peu disparaître aussi. Et ce que je considère important, c'est de penser cette ouverture des possibles, alors ici des possibles menstruels, que des jeunes femmes puissent vouloir célébrer leur cycle dans une perspective week-end par exemple, avec une forme d'exaltation de ces cycles dans des pratiques et des rituels réhabilités, pourquoi pas, que d'autres veulent le faire complètement disparaître, après tout pourquoi pas aussi, enfin voilà, à partir du moment où on considère que le sang menstruel est une manifestation corporelle comme les autres, qu'elle ne doit pas être honteuse ni dissimulée, eh bien toutes les options doivent pouvoir s'offrir aux femmes. Et l'espace qu'on peut lui offrir, pas forcément dans l'espace public, mais par exemple au travail. Par exemple, quelqu'un qui va dire « là, je ne suis pas bien, je dois rentrer chez moi ». On parlait du congé menstruel, oui, par exemple. Ou le fait même de dire « là, je dois partir plus tôt » ou « là, je ne suis pas en état de m'occuper de ça, je n'ai pas envie, c'est pas le moment ». Quelle place on doit faire au sujet des règles dans des conversations en fait de tous les jours? Ce que j'ai observé en essayant de comprendre pourquoi au début des années 2000 c'était si compliqué de parler du corps des femmes dans toutes ses dimensions dans une perspective féministe, et j'ai pu l'éprouver dans mes premiers textes, je pense notamment à La Révolution du féminin qui est paru en 2015 et qui avait suscité des crispations féministes, parce que on associait mon exploration de la corporité féminine à une forme de réessentialisation et à un réenfermement des femmes dans leur nature. Et je me souviens avoir été interrogée sur la question du congé menstruel à l'époque. Alors, je dis à l'époque, c'était il y a 6 années seulement, mais voilà. Mais en termes de féminisme, ces dernières années, c'est vrai, absolument. C'est ça que ça montre aussi, c'est intéressant. Et j'avais évoqué, je m'étais exprimée de façon positive en me disant, mais oui, il y a des femmes dont les cycles menstruels sont synonymes de telles souffrances, notamment celles qui souffrent d'endométriose, qu'elles sont véritablement, empêchées chaque mois de pouvoir, pendant quelques jours, vivre normalement et pourquoi pas reconnaître cet empêchement dans la perspective du congé menstruel. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait dans le féminisme, pendant longtemps, un certain refus de penser la corporité féminine jusqu'au plus intime de celle-ci. Et ce refus, du coup, voilait un certain nombre de conséquences, disons, en termes d'inégalité et de discrimination qui sont associées à la corporité féminine. Donc, la question des règles, on vient de parler du congé menstruel, mais aussi la question de la maternité, mais aussi un certain nombre d'autres sujets liés, par exemple, à la sexualité. Je pense, enfin, la sexualité ou la maternité dans tous ces aspects. Je pense à la question de la fausse couche, autre tabou qui est en train aujourd'hui d'être réexhumé en quelque sorte et redécouvert. Ce que ça dit d'important, c'est que penser le corps des femmes dans toutes ses dimensions, c'est aussi se donner les moyens de penser l'émancipation jusque dans ses prolongements les plus intimes, mais ça veut dire aussi jusqu'au socle de la domination masculine. C'est-à-dire, je reviens à cette idée qui est pour moi centrale, c'est-à-dire que c'est parce que les femmes ont été définies à travers les siècles comme n'étant que des corps, et notamment que des corps sexuels et maternels, qu'elles ont été privées si longtemps de tous les privilèges et de tout et de tous les, comment dire, de toutes les avancées liées notamment au tournant moderne de l'égalité démocratique. Et donc aujourd'hui, parler du sang des femmes, parler des règles, c'est aussi poser cette évidence que les femmes ne doivent plus être définies seulement comme des corps. Et alors, une question pour clore un petit peu ce sujet sur le fait de parler des règles, j'ai une question sur la pudeur. Est-ce que, par exemple, moi je n'ai pas envie de parler de mes règles en fait, pas du tout. Et je n'ai pas du tout envie d'en faire un moment de joie, c'est un passage obligé, et je trouve en fait que c'est presque impudique de parler de ces règles. Alors voilà, est-ce que j'ai intériorisé un certain nombre de normes du patriarcat qui font qu'en fait je me dis que je dois être un sujet j'ai presque désincarné, ou est-ce qu'en fait, véritablement, je fais le choix, en toute conscience, de me dire que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse. En fait, quelle est la limite entre le fait de parler et donc de rendre en fait son importance à ce sujet des menstruations, et en même temps de préserver une forme de pudeur, et peut-être aussi de séparer quand même ce qui relève du privé de l'espace public? Ce que cela dit simplement, Géraldine, c'est que vous avez une expérience singulière avec votre propre corps, vous avez une histoire singulière avec votre propre corporité qui aboutit à ce sentiment que vous éprouvez, qui est un sentiment plutôt de repli ou de dissimulation, ça a à voir avec votre histoire. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que nous avons toutes une histoire intime et singulière avec notre corps, qui produit un certain nombre de comportements et même, d'un certain point de vue, un certain nombre d'idées et de valeurs associées à cette histoire. Et je crois que c'est important de respecter pour chacune d'entre nous ces histoires singulières. Et il y a quelque chose dans le féminisme que je trouve très beau, qui est la reconnaissance de cette singularité de l'expérience vécue de nos corps. Alors, pour certaines, eh bien, cette reconnaissance, elle est synonyme d'ouverture, d'expression, de revendication et de publicisation. Pour d'autres, c'est une autre histoire. Mais dans tous les cas, c'est toujours cette idée très très belle que nous devons reconnaître à chaque femme la singularité de sa propre histoire, qui n'est pas nécessairement une belle histoire, mais qui est une histoire qui nous appartient. Quand j'ai mes règles, j'ai envie d'être comme tous les jours. Bouger, m'habiller comme je veux, tout en étant bien protégée. Entre nous, les règles, ce n'est vraiment pas la meilleure période du mois. Mais comme nous le savons toutes, c'est naturel. Dans la nature, Vania a découvert une plante si absorbante qu'elle aide à réguler le niveau des eaux. Cette plante, c'est la sphaigne. Eh bien, ce qui fait parler ici les Américaines, c'est ce qu'on appelle déjà l'affaire des tampons périodiques. Depuis juillet, en effet, 40 femmes sont mortes, victimes d'une maladie jusqu'à présent inconnue, le TSS. Toutes sont décédées, en effet, quelques jours après avoir utilisé une nouvelle marque de tampons qui avait été envoyée gratuitement par la poste. Dame Nature, pas maintenant. Je t'apporte ton cadeau mensuel, chérie, tes règles. Tu ferais mieux d'arrêter de danser. En fait, je peux danser autant que je veux. J'ai Pearl. Déjouer Dame Nature. Nouveau Tampax Pearl. Tampax, die Weltmarke. Mit Applicator. Dans la mesure où les femmes emploient leur humeur menstruelle à revenir à elles-mêmes et à modifier leur rapport au monde, il faut voir dans ce retour au corps la possibilité d'une méditation offerte à chacune d'entre nous, en toutes circonstances, mais dont nous décidons généralement que nous sommes trop occupés pour en profiter, ou de laquelle nous sommes empêchés du fait de la douleur. Parce qu'elle se situe aux marges de la convenance, dans un placard, la femme menstruée peut prendre de la distance et réfléchir aux choses telles qu'elles vont pour elle. L'association typique des règles avec le temps augmente cette possibilité réflexive. Pour le simple motif que l'événement revient tous les mois, il permet une expérience de la discontinuité qui nous incite à nous concentrer pour prendre du recul et regarder vers l'avant. Le flux mensuel constitue le cadre prosaïque de notre mémoire quotidienne. Sans le vouloir, je me retrouve à me rappeler quel événement a précédé tel autre en fonction de mes dernières règles. Parfois, je me dis que je devrais caler mes rendez-vous en anticipant la survenue de mes règles ou leur absence. Par exemple, je fais en sorte de ne pas voir tel amant extraordinaire quand je suis menstrué. Ou je m'arrange pour caler un voyage dans un contexte où dissimuler mes règles me sera difficile quand je sais que je ne les aurai pas. Les menstruations donnent une forme temporelle unique à la vie des femmes. Deux salles, deux ambiances, on peut dire, puisque d'abord, on a une compilation de toutes les pubs qu'on entend, toutes les publicités qu'on entend sur les protections menstruelles, donc tampons, serviettes hygiéniques. L'idée, surtout, est de gérer ces règles. C'est vraiment de l'ordre de la gestion. Hein, quand on a ses règles, on peut continuer à danser. On peut faire comme si on n'avait pas ses règles. Et puis, de l'autre côté, on a ce texte que vous avez traduit spécialement pour l'émission, Camille Fradeau-Médry, ce texte de Iris Marion Young, donc philosophe américaine, qui fait ce texte qui s'appelle « Méditation menstruelle ». On a d'ailleurs gardé son titre pour intituler notre émission, qui date de 1990, où là, au contraire, plutôt de faire comme s'il ne se passait rien, au contraire, il faut vraiment prendre le sujet, non pas seulement au sérieux, mais méditer. Qu'est-ce que ça veut dire « méditer sur ses règles » ? Alors c'est un très beau texte de Jung qui s'enracine dans la pensée phénoménologique la plus originelle, puisqu'elle Jung se réfère à Heidegger dans Être et Temps autour de la notion de l'humeur. Elle remarque en effet que c'est un lieu commun que de remarquer d'ailleurs que lorsque les femmes ont leurs règles, elles ont une humeur qu'on peut qualifier de changeante ou d'instable, que d'autres qualifieront de d'éruptive ou de dérangeante. Mais ce qu'elle repère, c'est que l'humeur, si on l'aborde dans cette perspective phénoménologique, c'est Heidegger qui le montre, notre première modalité existentielle. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui nous met en contact direct avec le monde, avec les autres, parce qu'elle infuse tout notre être et qu'elle modifie d'une certaine façon notre expérience même du monde. Et c'est l'humeur, chez Heidegger, qui nous projette dans le monde. Et ce que Jung ajoute à cette analyse heideggerienne de l'humeur, c'est que dans la mesure où les femmes éprouvent chaque mois, au moment de leurs règles, cette état un petit peu anxieux, un petit peu parfois mélancolique, voire triste, eh bien, elles sont en mesure d'éprouver chaque mois un nouveau rapport au monde qu'elles caractérisent de façon positive comme une ouverture au monde. Et c'est là que entre en jeu cette idée de méditation, parce qu'elles sont très émotionnelles, les règles permettent aux femmes une forme de repli, qui est le moment dans lequel elles peuvent prendre de la distance vis-à-vis de leur existence quotidienne, réfléchir à ce qu'elles sont à ce moment-là précis de leur vie, réfléchir à ce qu'elles voudraient être ou à ce qu'elles voudraient faire, et à tel point, dit-elle, que les règles remplissent quasiment une fonction ontologique qui permet aux femmes de réévaluer leur existence et d'accepter aussi de vivre un moment mélancolique, un moment peut-être un peu déprimant aussi, mais qui est un moment de présence réflexive au monde et à soi qui est très précieux. Ce qui veut dire, en fait, puisque la lecture est d'ordre heideggerien, qui accordait une grande place à l'authenticité, ce qui veut dire, en fait, que les règles vont interrompre, en fait, un cours presque inauthentique des choses, c'est-à-dire où on ne se questionnait pas pour justement, en fait, nous extirper de cette situation qu'on croyait, en fait, tout à fait normale, mais en créant, justement, du trouble dans cette normalité, comme on l'a dit avec la femme qui a ses règles et queer, comme on introduit du trouble, finalement, on va devoir s'interroger sur ce qui nous semblait jusque-là normal. Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait juste cette idée que avec ce moment menstruel, ce moment de méditation, les femmes peuvent s'extirper de l'inauthentique du quotidien. Elles peuvent accéder à une expérience qui serait peut-être plus authentique, ou en tout cas à une expérience plus juste, plus intime peut-être aussi dans leur relation à leur propre existence, mais aussi dans leur relation aux autres. Ce qui veut dire aussi, si on suit Heidegger et donc Iris Marion Jung, qui se l'approprie pour penser ces méditations menstruelle, ce qui veut dire en fait que ces sautes d'humeur, loin d'être en fait des moments juste d'humeur, c'est-à-dire vraiment des émotions, sont plutôt en fait à mettre du côté vraiment de l'existence, c'est-à-dire non pas de ce qui va nous mener, de ce qui va nous conduire à la réflexion, plutôt de ce qui va nous entériner du côté de l'émotion, de l'irrationnel. Oui, c'est ça. Dans Un corps à soi, je me suis attachée à ponctuer mes réflexions d'un certain nombre de récits autobiographiques pour certains, mais d'autres récits biographiques aussi, pour faire entendre la voix des femmes sur ces sujets. Et j'ai un très beau moment d'une femme qui me parle de ce moment des règles comme précisément une sorte de grande parenthèse existentielle, voire métaphysique, qui est un moment qui lui permet de plonger quelque part, un ailleurs, quelque chose d'inédit, d'un peu bouleversant certes, mais qui est aussi une façon de se retrouver face à soi qui est très j'allais dire précieuse, oui, valorisée. Et qu'est-ce que ce moment où on est extirpé en fait de la normalité, comment peut-il nous conduire à cette réflexion-là ? C'est-à-dire vraiment méditer, ce n'est pas seulement être extirpé de l'inauthentique et se questionner sur ce qui nous semble inauthentique, c'est aussi en fait produire quelque chose. Et là, dans le texte de Iris Marion Jung, on a plutôt l'impression en fait qu'on va repenser un rapport au temps plus qu'un rapport au corps, c'est-à-dire en fait se dire je vais caler mes rendez-vous en fonction de mes rêves, ce qui semble quand même une drôle de manière de méditer puisque ça semble plutôt être du côté de la charge mentale où en fait on va devoir s'adapter à son corps, suivre son corps plutôt que devoir en tirer une réflexion, on va réhabiliter notre corps. Alors je suis pas sûre de vous suivre tout à fait sur l'idée que la méditation serait synonyme de production. Mm-hmm. Je crois au contraire que ce dont il s'agit, c'est d'interrompre le flux, d'abord d'interrompre le flux temporel, puis d'essayer d'interrompre le flux des pensées. C'est-à-dire, la méditation, c'est une forme de suspension de la raison pour trouver un état qui est un état de une forme de flottement, mais qui est aussi très incarnée. Enfin, les femmes qui pratiquent le yoga, et c'est mon cas, c'est pour ça que je me permets de développer sur ce sujet, le savent très bien. Ce qu'on essaye d'obtenir dans le moment de la méditation qui suit une séance de yoga, c'est une forme d'abstraction au sens où on s'abstrait du monde pour se retrouver dans un moment qui n'est pas de vide, mais qui est un moment où on s'efforce de se débarrasser de la raison, c'est-à-dire aussi des jugements, c'est-à-dire aussi de la projection, de l'organisation, de toutes ces injonctions très très modernes qu'on peut qualifier de néolibérales peut-être, qui obligent les femmes sans cesse, chaque jour, toujours, à devoir penser pour elles, mais surtout penser à la place des autres, organiser cette charge mentale que vous évoquiez notamment. Et donc, au moment des règles, peut-être qu'une femme peut s'autoriser à lâcher ses injonctions rationnelles et patriarcales par certains aspects pour retrouver une forme de simplicité peut-être, où il n'y a plus ni de raison, ni de diktat, ni de jugement, mais simplement la présence à soi et la conscience très vive de son propre corps. Mais là, il y a deux objections qu'on peut vous faire, enfin deux objections, deux questions que je peux vous poser, Camille Froidvaux-Maîtrise. C'est déjà, qui peut se permettre en fait de réfléchir, c'est-à-dire de prendre du temps, d'avoir, de retourner à un moment de simplicité? Et puis, n'est-ce pas aussi une autre forme de charge mentale, c'est pour ça que j'employais ce terme, c'est-à-dire de devoir organiser son agenda en fonction de l'arrivée de ces règles? Est-ce que c'est pas finalement remettre de l'organisation là où on voulait que ce soit un moment, en fait, de méditation? Alors, la méditation menstruelle, c'est une proposition. Je suis très attachée à ne pas reproduire, enfin, voilà, quand on est féministe, ça doit être une obsession que de ne pas reproduire de nouvelles normes. Ça arrive parfois, dans le champ féministe, que dans l'enthousiasme et l'intensité de certains combats, on génère de nouvelles normes. Ce que j'évoquais là, à l'instant, sur cette possibilité de la méditation menstruelle, ce n'est qu'une possibilité, une option, une proposition. Certaines femmes pourraient trouver, certainement qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont peut-être été rétive à cette idée, parce que finalement, c'est ce que vous exprimiez vous-même, c'est un moment qui peut être très désagréable et dont on peut avoir envie simplement de se débarrasser. Ou par pudeur aussi, voilà. Donc voilà, on retrouve cette exigence féministe de laisser simplement la liberté aux femmes de faire de leur manifestation corporelle ce qu'elles souhaitent. Et sur le premier versant, à savoir que en fait tout le monde ne peut pas se permettre de faire de ces règles un moment choisi, c'est-à-dire pour des raisons matérielles, économiques. Il y a là aussi en fait le problème de réfléchir en fait sur un moment qui nous tombe dessus à n'importe quel moment, même si on a une certaine idée du moment auquel les règles vont arriver. Mais enfin, on n'a pas tous le privilège, j'emploie le terme à dessein, le privilège de pouvoir partir de son travail, de pouvoir rester chez soi seule, de pas avoir d'enfants, de pas parler à des gens. C'est très juste. Ce que vous dites, ça permet de montrer que s'intéresser au corps des femmes, le prendre au sérieux comme un sujet politique, c'est aussi mettre au jour des discriminations qui sont associées à ces manifestations. Et ce que vous évoquez renvoie, par exemple, à cette notion qui est devenue récemment importante de précarité menstruelle. Il y a des femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter les produits de protection hygiénique. Il y a aussi des femmes dont la condition, par exemple, de handicap rend ce moment de leur existence particulièrement difficile, quand on doit compter sur les autres pour se laver et se protéger, enfin au sens des protections hygiéniques. C'est quelque chose qui doit être toujours, disons, une forme de vigilance féministe permanente. Nous ne vivons pas nos corps de la même façon. Il y a aussi, il faut le dire ici, des femmes qui n'ont pas leurs règles. Il y a des femmes cis qui n'ont pas leurs règles. Il y a à peu près 5% des femmes pour des raisons physiologiques ou psychologiques. Et puis il y a aussi les femmes trans qui n'ont pas leurs règles. C'est-à-dire que, en fait, quand on s'aperçoit, quand on se saisit de ces sujets incarnés, on s'aperçoit qu'ils ouvrent, en fait, à l'immense diversité et pluralité de la pensée féministe et à la prise en considération aussi de la pluralité intrinsèque de nos expériences vécues de la corporité féminine. Alors on a dans ce texte de Iris Marion Young, qui est vraiment un texte vraiment assez dense et qui permet d'aborder tout un ensemble de choses, il y a aussi cette idée quand même d'événement et de temporalité. Et c'est bien ce qu'elle dit, le flux mensuel constitue le cadre prosaïque de notre mémoire quotidienne. Sans le vouloir, je me retrouve à me rappeler quel événement a précédé tel autre en fonction de mes dernières règles. Parfois je me dis que je devrais caler mes rendez-vous en anticipant la survenue de mes règles ou leur absence. Ce qui renvoie à un autre texte que vous nous avez conseillé, Camille Froidvaux-Maîtrise, aussi, où on a en fait cette dimension temporelle des menstruations. C'est un texte de l'ethnologue Yvonne Verdier, extrait de son livre « Façon de dire, façon de faire, la laveuse, la couturière, la cuisinière », interprété ici par Frédéric Pierrot. Les rythmes biologiques dont les femmes sont le siège font découvrir leur rapport privilégié à la durée. Des points de repère temporels sont ancrés dans leur corps. Par pulsation mensuelle régulière, le temps s'écoule des femmes. Elles portent en elles un double étalon mesure, celui de la répétition et celui, béant, de l'attente qui se nourrit de présages et de désirs. Comme la lune, les femmes fournissent un support à la durée dont elles assument le dérèglement et les contretemps. Indisposées, les femmes sont porteuses d'un souffle cosmique, messagère de l'au-delà. Leurs tempêtes intérieures courbent les jours, rétrécissent ou accélèrent le cours des choses. Les mouvements de son corps sont pour une femme ces événements qui frappent pour ainsi dire de l'extérieur, fulgurance qui la traverse comme coup de foudre. Elle est peut-être toujours assimilée à cette orvale grosse d'ondée et d'éclairs, un être de destin autour duquel les éléments se mettent en marche, la terre bouge, les astres perdent leur course. Ce sens aigu du destin anime le discours des femmes, dont la passion, la véhémence, le sens du drame donnent à chaque récit un ton d'épopée. Parole fabuleuse qui apporte par sa richesse même tout aussi bien l'illusion, le rire, l'assurance, le remède, la revanche. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Camille Foy-Dvoimetry, pouvez-vous nous présenter Yvonne Verdier, dont on vient donc d'entendre un extrait, interprété par Frédéric Pierrot. Donc c'est dans un texte de 1979 qui s'appelle « Façon de dire, façon de faire ». Oui, c'est une ethnologue qui a fait un très beau travail dans les années 70 sur le travail des femmes, disons, du peuple, d'une certaine façon, qui est là, en l'occurrence, qui observe comment l'irruption des règles dans les familles des milieux populaires et notamment ruraux de Bretagne introduit une forme de discontinuité. Moi, j'aime beaucoup cette formule qu'elle emploie, le temps s'écoule des femmes. C'est très beau et c'est très juste. C'est-à-dire que on associe souvent les règles à la cyclicité, hein, on comprend bien pourquoi, et donc on a tendance à projeter une temporalité féminine qui serait cyclique. En réalité, ce que montre Yvonne Verdier ici, c'est que le temps des femmes n'est pas cyclique, le temps des femmes est au contraire très linéaire. Et j'ajoute même qu'il est plus que linéaire, il est d'une certaine façon fini, c'est-à-dire qu'il est le signal d'une forme de clôture. D'abord parce que le temps des règles est un temps délimité. Entre la ménarche, les premières règles, à un bout, et puis la ménopause à l'autre bout, qui n'est pas aussi soudaine et ponctuelle que les premières règles, mais qui est quand même le moment, même s'il s'étale un peu dans le temps, d'une sortie de cette condition menstruelle. Et ne serait-ce que parce qu'elle commence un jour et qu'elle se termine quasiment un autre jour, les règles disent quelque chose d'un rapport des femmes au temps qui est un rapport linéaire, un rapport qui est marqué et placé sous le signe d'une certaine façon de la finitude. Et du tragique presque, on ne peut pas décider voilà. De ce moment. Absolument, c'est-à-dire que et leur apparition et leur disparition sont aussi indécidables qu'irrémédiables. Et ça produit en effet une forme de tragique. J'utilise ce mot parce que il dit quelque chose de cette conscience très aiguë du temps qui passe, qui est celle des femmes. Et je vais même jusqu'à dire que les femmes, bien davantage que les hommes, sont dans leur rapport au temps très quotidiennement marquées par une forme de conscience de leur propre finitude, parce qu'elles ont d'une certaine façon cette pulsation qui est liée aussi à la capacité maternelle que le sang menstruel indique et qui fait signe aussi vers autre chose qui est très une expérience vécue très très commune chez les femmes qui est justement ce moment de la possibilité maternelle cette période de la vie des femmes alors qui est assez longue puisqu'on peut considérer qu'elle commence avec les règles mais qui dans nos sociétés occidentales contemporaines est finalement beaucoup plus courte puisque désormais on le remarque hein, l'âge moyen des premières naissances recule de plus en plus et est maintenant autour de la trentaine et que finalement à y réfléchir c'est quasiment la décennie entre 30 et 40 ans qui est celle du possible maternel et tout est fait pour que les femmes puissent avoir enfin puissent subir cette forme de rappel qui pour les trentenaires et peut devenir un fardeau et un cauchemar même, que leur corps maternel et leur capacité procréatrice est limitée, est encadrée dans le temps. Ce qui veut dire en fait que les règles sonnent comme un rappel de cette fatalité ou au contraire sont le moyen de voir le temps autrement. Est-ce que malgré tout la cyclicité des règles permet quand même de contrer cette idée d'un temps linéaire et tragique ? Non, je ne crois pas, parce que c'est un événement certes cyclique, mais dont on sait qu'il aura une fin. Et c'est un événement par ailleurs qui est associé à une capacité, la capacité procréatrice, dont on sait aussi qu'elle est limitée. Donc il y a définitivement quelque chose d'un petit peu tragique hein, dans le sang menstruel. Cela dit, comme je le disais tout à l'heure, voilà, tout dépend aussi de l'histoire de chaque femme avec son propre corps. Mais ce que je trouve important de montrer à cette occasion, c'est que il y a les règles, mais il y a bien d'autres événements très ponctuels et très indécidables eux aussi qui rythment la vie des femmes, des événements corporels. Alors moi, je les qualifie de nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire tous ces moments où un processus, un bouleversement, une transformation corporelle vient produire un infléchissement très très net dans la vie des femmes, qui a une dimension historique, c'est-à-dire au sens où ces événements, par exemple une grossesse ou une maladie, viennent produire quelque chose d'à la fois, je le disais, indécidable et irrémédiable. On peut évoquer une fausse couche également, on peut évoquer l'avortement, c'est-à-dire qu'il y a un temps des femmes qui est scandé par une succession de péripéties corporelles qui viennent produire des bouleversements intimes, des bouleversements existentiels, mais qui changent aussi de façon définitive les représentations sociales. Une fois qu'une jeune fille est menstruée, aux yeux de la société, elle change de statut. Cette sexuation est synonyme pour elle d'immédiate sexualisation. Elle entre dans ce corps-objet auquel on veut la limiter. Une fois qu'une femme devient mère, là encore, aux yeux du monde, elle ne peut pas revenir en arrière, elle restera une mère. Et donc, il y a cette dimension de à la fois de discontinuité et puis d'irrémédiabilité, ces coups de théâtre corporels d'une certaine façon qui produisent une forme à la fois, là on peut dire, d'intensité existentielle, donc là on pourrait considérer que je me limite, disons là encore une fois, à quelque chose qui serait positif, mais dans la mesure où ces événements, on ne peut pas y échapper, ils produisent aussi du tragique, mais ils produisent aussi du coup une prise de conscience qui peut être aussi une politisation. Ce que dit d'ailleurs à la fin Yvonne Verdier, on va se quitter sur ces mots qu'elle m'y fait maîtriser, c'est-à-dire qu'elle dit « le rire, l'assurance, le remède, la revanche ». Ça, c'est quand même plutôt positif. C'est positif et ça dit que le corps des femmes, comme un lieu intime, est aussi un lieu politique. Et je me réjouis de savoir qu'aujourd'hui, cette bataille de l'intime est en train d'extirper enfin, peut-être pour de bon, les femmes de ce carcan corporel dans lequel on a voulu les enfermer depuis toujours. Merci beaucoup Camille Froidevaux-Maîtris. Vous avez fait face avec moi à ce problème technique et donc vous avez rebondi parfaitement sur le texte de Simone de Beauvoir tout à l'heure. Je vous remercie de vous. On peut donc lire Un corps à soi où vous abordez notamment cette question des règles. Donc c'est paru aux éditions du Seuil, mais il y a aussi Saint, Enquête d'une libération aux éditions Anna Moza qu'on aime beaucoup. Le corps des femmes, la bataille de l'intime, vous avez abordé ce thème de la bataille de l'intime, paru aux éditions Philosophie Magazine, réédité chez Point. Et enfin La révolution du féminin, paru aux éditions Gallimard. Et j'en profite aussi pour signaler que paraît aujourd'hui Journal intime de mon corps, toutes les réponses à mon enquête sur nos corps qui changent, de Clémentine Dupont-Avis avec la participation de Gada Atemganzer, c'est aux éditions École des loisirs. Merci beaucoup. Merci à vous. Eve, you wicked woman, you done put your curse on me. Why didn't you just leave that apple hanging in the tree? You make us hate our husbands, our lovers and our boss. Why I can't even count the good friends I've already lost. 'Cause those not afflicted with it are affected just the same. You poor old men just have to grin and say, I feel your pain. PMS Blue, right, Bubba? But what else you gonna say? PMS Blue.